Le porte-parole de l'Association générale des Coréens en Chine a lancé le 4 courant un entretien réalisant à coup sûr la conférence pan-nationale pour la réunification par la force unie de toute la nation coréenne.